Partir en fou sans dire salut. Comme dans une vue, comme quand on joue. Sans fin, sa vie, sans qu'on dégrise. C'est une maladie. It's a disease. Je suis un crotté, un égocentré. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur courroyeux, venu-pied. Je t'appelle juste quand j'ai un loup fait têter. Quand j'ai le goût de me coller sur toi. Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer sur ton bras, à mon goût, à ma santé, à moi. Je suis un crotté. Je suis un marbré. Je suis de marbre. Je suis un plein de marbre. Quand j'arrive pour manger, dormir, téléphoner puis repartir, j'suis pressé, t'sais. J'ai jamais le temps d'appeler, je sais. J'ai jamais le temps d'aller voir est-ce que c'est ce que vous êtes puis ce qu'il y en est dans l'existence qu'on mène. Je suis un infâme. Je suis un sans âme. Je vis dans mes valises. Que si tu veux je te dise, c'est une maladie. It's a disease. Je suis en voyage. Je suis un volage. Anyway, je suis un crotté. Charnel, mais pas cher, mais cheap, tu sais. Cheap comme dans le genre qu'on est en quelque part, là, pis que je t'écoute pas me parler, mais que dans le fond, je pense à toi. À toi, déshabillé dans ta peau de madame. Dans ta paupière, Marie-Pierre. Anyway, t'sais, c'est pas facile ce que je vis. Ça a l'air le fun de même, là. Tu te promènes, tu butines, tu te rassailles de l'autre bord. Cette abeille, elle travaille fort. Buzz, buzz, buzz. Ouais, mais là, je passerai pas ma vie de même. Ça me tente pas, j'ai pas le goût. Je veux rien savoir de ça. À un moment donné, un gosse tranquille. Un gosse essaye de se rassir, tu veux dire, pis c'est le même, pis c'est tout. Y'a pas de mal à ça. Les bretelles, pis c'est fiel. Ça marche drette, tu sais. Je cherche des désiseux. Des semeux, des gros laboureux. Je cherche des guerriers fiers, même la tête baissée. Des joueurs de menterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades! Vous êtes donc